بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجين أم طرب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم اكتفى، أما بعد، فما زلنا في الدرس 11، واخذنا أمس كسبة تتلى فوق المبتدا يبتخ يعني يقدم، وكل خبر يبتخ يبني عبال المبتدا، تمام؟ قد يقدم على المبتدا، تمام؟ وانا بيوفر يعني الاكسبسيون سي لاكال سي لسك تي تخوب المبتدا يعني اسم جار حرف جر مع الاسم المجرور، تمام؟ لوكي تي تخوب المبتدا avec le jar المجرور، ça c'est une de comment s'appelle des choses qui va permettre au mubtada ou plutôt au khabar de venir en premier lieu et mubtada en deuxième lieu. La espèce mushara fihi ghurfatun saghiratun fihi, tamam. Donc et lorsque ça yani c'est dans ce cas là, c'est à dire lorsque le mubtada ou plutôt le khabar c'est un harf jar avec l'ism majrur, yani le mubtada qui va venir derrière il sera quoi? Nakara. تمام. دونك لا لي ريغل افون كارامون يعني شانجي كما نبي فوار مبتدا عام الى المعرف اللي ديفيني المبتدا انا بي فوار من احكام المبتدا انه محرف الى ديفيني تمام ولي ديتيرميني كوم ديس لكن لوسكو الخبر سوف اسم حرف الجر واسم مجرور تمام اون فا فير بريسيد الخبر المبتدا va venir après تمام اي سرا نكره كوم دو اكزامبل فيه حديقه صغيره. Dans ce cas-là, là, tu ne vas pas trouver le mubtada, il va être muharraf, il ne sera pas défini. Donc ça c'est une cause, parmi les causes, où tu peux trouver le mubtada qui va venir en deuxième position, et en plus il sera quoi? Nakara. Yani, deux règles vont de quoi? Changer. C'est ce qu'on avait vu, je crois. Voilà. Et l'atf, harf atf. On avait dit, au lieu de faire une répétition dans les phrases, tu ramènes le harf atf. Donc tu lis ce que tu veux. اسكا كما سابل كابريسي كما نابلوا فيها نافذه كبيره ومروحه جميله اول لو دير فيها نافذه كبيره وفيها مروحه وكذا وفيها كذا كذا tu viens avec le wow et tu lis ce qui est avant, tamam. لكن ابي voir lorsque tu lis يعني tu fais venir ce harf l'atf يعني e tamam dans la langue française, ce qui vient après le wow il apprend le même hukm de ce qui est avant, c'est-à-dire dans le raf, dans le nasb, dans le jar et la khairi. Si ce qui est avant il est majrour, ce qui est après sera majrour. Si le marfou, il sera marfou. Tamam. Comme on a pu le voir ici, fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. On n'a pas dit wa mirwahatin ou mirwahatan. Tamam. Pourquoi? Parce que ce qui est avant, il est marfou, parce qu'il est mubtada. Tamam. Naam. Donc, dans le cas, il prend le même hukm au niveau de la déclinaison. Tamam. Ça, c'est ce qu'on a pu voir hier. Tamam. On va poursuivre la lecture. توف وهذا سريري صح وهذا سريري قال وهذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبتي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب على المكتب تمام ساعتي وقلمي بدل اللي كيديز ساعتي على المكتب وقلمي على المكتب وكتابي على المكتب تي فانك لوو ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب à partir du moment qu'ils sont dans le même hukm, tamam. وحقيبتي تحت المكتب. Et mon sac est, ou mon cartable est en dessous du bureau. نافذة غرفتي مفتوحة. Qui c'est qui peut faire l'arabe de ça? نافذة غرفتي مفتوحة. مفتوحة. مبتدا خبر نافذة غرفتي مبتدا composé d'un مضاف مضاف إليه. C'est quoi le مضاف مضاف إليه؟ نافذة مضاف. نعم. غرفتي مضاف إليه. تمام. Et après? مفتوحة. لكن قبل هذا. لا تدي. تدي نافذة c'est مبتدا. C'est مبتدا. مبتدا إلى Il est comment s'appelle le modaf? C'est ça que je me dis. Et Ghurfati, modafun ilay. Ghurfati, c'est quoi? C'est ma chambre, ma pièce. Femme, femme, tout. Lakin, dans la phrase. Modafun? Hmm? Ça, c'est. Tout ça, c'est le khabar. C'est quoi, quel khabar? Non, c'est le muftada. Tout ça, c'est le muftada. C'est quoi le muftada? Nafidatun. Nafidatun. Nafidatun Ghurfati. Tamam. El khabar? تمام غرفتي سي كوا غرفتي اون لي مام باسكو نافذه مضاف اليه لكن هكذا غرفتي نافذه غرفتي مفتوحه كما تدي نافذه غرفتي مبتدا باسكو سي لا شوز نعم سي شوز سور لاكيل ريبوز لافورماسيون تمام تدور حول الخبر مفتوحه سي خبر نافذه الي مبتدا شوف وغرفتي مضاف الى جدير نافذه الى مضاف وغرفتي مضاف اليه وغرفه مضاف والياء مضاف اليه يا دو سونيكسيون نافذه غرفتي مضاف مضاف اليه وغرفتي مضاف والياء مضاف اليه كنادي الدمار المتصل اذا دخل على الاسم تمام يجي على الاول مضاف والدمار المتصل مضاف اليه غرفتي تمام تفين انكسيون خالد Hey, هذه غرفة لي. Eh ben, ce que tu peux dire, هذه غرفة لي. Comme on avait dit, c'est quoi la on avait dit quoi l'annexion, c'est quoi? النسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر. T'as l'appartenance entre les deux noms dans lequel est sous-entendu un حرف الجر. T'as donc c'est ça les arabes. T'as هذه غرفة أخي. Qui fait les arabes? Vas-y. هذه مبتدا. غرفة أخي مضاف مضاف إليه. تقول المضاف ومضاف إليه. مضاف غرفة أخي. هنا نكشن نائب. هنا نكشن أخي. تمام. إلى المبتدا. تدي هذه. هذه. هذه. ضد directement تجمع من الخبر. إلى الخبر. الخبر هذا لغرفة. تقول غرفة بس. غرفة du frère. غرفة أخي. هذا هو الخبر ثم تقول وغرفة مضاف وأخي مضاف إليه وأخ مضاف وليا مضاف إليه تمام هكذا قال وتلك غرفة أخي أختي كيف الإعراب وتلك غرفة أختي وتلك تلك بعدين ماشي وتلك مبتدأ ايوه وفات الواو Tu dis à la hasab ma qabla. Tu dis ça. Le waw, à chaque fois tu dis quoi? Lorsque tu fais les arabes, tu dis à la hasab ma qabla. En vérité, là c'est harf ad. C'est pour dire, Annie, jusqu'avant. A quel hal tilka mubtada? Ghurfatu ukhti khabar. Tamam. Ghurfatu ukhti mukawan bil mudaf. Là, tu dis ghurfa. Ghurfatu mudaf. Et là? Ukh. اختي اختي اختي اختي مضاف يعني اخت مضاف والياء مضاف اليه غرفه مضاف واختي مضاف اليه واخت مضاف والياء مضاف اليه تمام بعدين غرفه اخي كبيره وغرفه اختي صغيره كيف هيك سلانس سي سامبل تفضل عندك غرفه أخ نعم أخي كبيرة لا ديجا لا ديريكتومون لا est-ce que c'est un fial ou c'est un فاعل c'est un fial ou c'est une phrase nominale ou verbale direct c'est nominal donc directement il y a مبتدا وخبر Il est au Mubtada ou au Khabar? Mubtada, c'est la Ghurfatou. Tamam. Donc il faut le Khabar. Khabar, c'est Akhi. Kabir, c'est un Na'. Non. Donc ça veut dire, si jamais tu dis Ghurfatou, Akhi. Et tu te suffis de ça? C'est-à-dire que la phrase, elle est bonne. Comme ce qu'on a dit, Al-Khabar, ou Al-Ladi, Yatim Ma'al Fa'ida, Al-Fa'ida. Yatim Ma'al Mubtada, Al-Fa'ida. Et là, il n'y a pas de Fa'ida là. Ghurfatou, Akhi. Je viens, je frappe à ta porte, tic tac. Tu dis, Akhi, Ghurfatou, Akhi. Tu vas me dire? Je veux en plus une information. Donc c'est pas possible que Akhi, c'est Mubtada, c'est Al-Khabar. Ghurfatou, Akhi, c'est Mubtada. Wa Kabiyara, c'est Al-Khabar. Wa Al-Ghurfa, wa Al-Ghurfa, مضاف وأختي أخي مضاف إليه وأخ مضاف والياء مضاف إليه هكذا وغرفة أختي وغرفة أختي صغيرة كما تجيغا لا لا dans cette chose là tu dis quoi lorsque le waou il est lié à la chose qu'avant tu dis waou حرف عطف وغرفة أخي صغيرة معطوف على ما قبله غرفة أخي كبيرة والمعطوف على شيء معطوف أو يعني يتبعه يعني مرفوع مثله تمام تمام غرفة أخي أمام غرفتي كيس لانس زين غرفة أخي أمام غرفتي إذا نقول غرفة أخي هو المبتدا يلا والخبر لا أمام سي حرف جر لا مبتدا دونك tu dois ramener un khabar direct اذا غرفة اخي مبتدا والخبر امام غرفتي هذا هو الانفورماسيون سكو الانفورماسيون devant تمام غرفة اخي امام نعم غرفتي la chambre de mon frère est devant ma chambre. C'est quoi l'information? Tu as pour ramener l'information que la pièce de ton frère, elle est devant la tienne. Devant la tienne, c'est ça l'information. Donc, Ghurfatu Akhi, Mubtada, wa amama Ghurfati, Khabar. Ba'din? Ba'din, Ghurfatu Akhi, Mubtada, Ghurfatu. Akhlas, t'as déjà dit. Ghurfatu Akhi, Mubtada. C'est quoi le mudaf? C'est quoi le mudaf? Al-mudaf Ghurfatu. Naam. Al-mudaf ilay Akhi. Ewa. وكذلك أمام لا قبل هذا قبل هذا أخي دونك أخ مضاف ايوه يا مضاف إليه ايوه أمام غرفتي يعني مضاف سي كو كي مضاف أمام سي كون افي دي لي اسمو الظروف تمام توس كي كوم ان فرونسي كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو دو تام تمام توس لوسكي سكي فيان بري الإضافة يعني غالبا أمام خلف تمام وأنا في كونكا تحت أنا في فوق شبي بعد مع كل هذه الأشياء عند تمام كل هذه الأشياء tout ce qui va venir après il sera مضاف إليه direct يعني غالبا تمام souvent donc أمام مضاف وغرفتي مضاف إليه وغرفة مضاف والياء مضاف إليه هذه وغرفة أختي أمام المطبخ et la chambre de ma sœur est devant le matbakh. On fait comme si on n'existait pas, juste histoire que de bien répéter les choses. Tu te lances, vas-y. Attends, donc غرفة نعم نعم مبتدا يا أمام المطبخ خبر يا غرفة أختي مضاف إليه. C'est quoi le مضاف؟ مضاف أختي مضاف إليه. وأخت مضاف. والياء مضاف إليه. تمام. وأمام مضاف. والمطبخ مضاف. مضاف إليه. لي أخ واحد اسمه أسامة. J'ai un frère et son nom est أسامة. لي أخ واحد اسمه أسامة. لكن c'est quoi là? Phrase nominale, phrase verbale. خليه يشوف. Phrase nominale ou phrase verbale? C'est nominal. Nominal. لماذا؟ parce que li ça حرف جر c'est pas un verbe donc, donc ça peut être que phrase nominale تفضل donc مبتدا وخبر est-ce que c'est lui le مبتدا c'est حرف جر li لأن tu dis مثلا لله ملك السماوات والأرض j'ai pas fait la scission entre li et le ya non c'est vrai que le mubtada c'est akhun wahidun non commence par li commence par li pourquoi tu vas à la fin li c'est quoi li akhun wahidun mudaf mudaf ilay quoi il dit c'est ça on va me souffler ça donc phrase nominale, donc Mubtada wa Khabar. Avant le Mudaf, le Mudaf ilayh. Là, c'est pas le but de trouver le Mudaf ou le Mudaf ilayh. Hein. C'est juste Ihrab. Yani... Ouais, ouais. C'est juste histoire de... Le Mudaf, c'est Li Akhun Wahidou. Li Akhun Wahidou. Al Mudaf. Mais nous, on veut le Mubtada wa Khabar avant tout. Ouais, en fait, c'était ça, je voulais dire. C'était ça le Mubtada pour moi, les trois mots. C'est quoi les trois mots? Li akhun wahid. Li akhun wahid. Ça c'est le mubtada. Donc le mubtada, c'est la chose, comme on a dit, autour de laquelle tourne l'information. En gros, c'est le sujet. C'est le sujet. On a du mal avec le sujet. Moi j'ai du mal avec ça à cause de ça. Le sujet. C'est le sujet, le verbe, si tu veux. Le sujet. Donc il est où? Celui autour de qui tourne l'information. Sujet. À la colique, c'est li akhun wahid. لي أخ واحد. لي أخ واحد. بس يجوز سامي. بس كل هذا. Si jamais لي أخ واحد c'est une jumla mufida c'est qu'il y a mubtada et un khabar. Tu peux pas avoir une jumla mufida avec un khabar بس. Toi tu m'as dit لي أخ واحد مبتدا صح؟ ce qu'il m'a dit ou khabar je sais plus ce qu'il m'a dit. لي. Tu passes la main? Li, c'est le mubtada. Li, akhun, wahidun. Li, mubtada, akhun, wahidun, khabar. Anta ajabta. Anta ajabta wa akhtata. Ya, c'est le mubtada. Voilà, ya. Li, c'est le khabar. Akhun. C'est vrai qu'on l'a vu là. Je le veux dire à l'instant. Le li akhun wahid, صح? On a dit, ça c'est une phrase qui est quoi? Elle est complète. Donc il y a un mubtada, il y a un khabar. Je viens juste de le dire à la début de la leçon. Si jamais le khabar il a harf al-jar avec l'ism majrur, il va précéder le mubtada. Donc ça va s'inverser. Le mubtada va venir après, le khabar va venir avant. Le mubtada va venir avant, le khabar va venir avant, le mubtada va venir après. Li khabar. Akhun mubtada wahidun sifa. Est-ce que tu peux dire li akhun? J'ai un frère. Wasmuhu Usama kadhalika. Tu peux dire ça, yani li akhun wahid kadhalika yani al jumla li akhun wahidun mubtada kul hadi ismuhu Usama khabar. Ça c'est là, c'est un peu plus compliqué, mais li akhun wahidun c'est à votre portée. Tout le monde s'est planté. Moi j'ai pas parlé. Est-ce que tu m'as balancé, j'ai vu. Laquelle que... Celui qui ne parle pas, il s'est planté aussi. Parce que le murti ou le jahil, fait hukm même ça va. Le murti ou le jahil. Le murti ou le jahil, ça va. Ils ne peuvent pas, ils sont pas dans ça va. Tam li ukhtun wahidatun ismuha su'ad. Donc là, inshallah. Vas-y. C'est bon. Donc li c'est khabar. Le mot ukhtun c'est comment dire, c'est le mubtada. Wahidatun sifa. Sifa. De. Ismuha. C'est une jumla encore. C'est le khabar qui vient sur quoi? Li akhun li ukhtun wahidatun. C'est notre khabar. Yani une jumla peut être quoi? مثلا لي أخون لي أختون واحدة تمام عن المهم عليكم مبتدا خبر تمام وخبر ومبتدا Et cette jumla là en elle-même peut être un mubtada d'un autre rapport qui va venir après. Mais il n'y a pas de mana. Voilà. C'est ça le truc. Parce que si jamais tu peux t'arrêter comme ça, tu dis il y a akhun, li ukhtun wahida. J'ai une seule. Bas. Ismuha khabar thani. Tu viens nous apporter son prénom. Ismuha Zuhad. Lui, c'est Naham Liya. Lakin la plupart disent Liya. Liya ou Liya. Abi wa ummi fi tilka al-ghurfa al-kabira. Qui répond à ça? C'est quoi les arabes? Fadal Abu Qais. Ya Abu Qais. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أبي وأمي في تلك الغرفة. نعم. كبيرة. Oui. Ah. Ah. Le mot tada هو. C'est quoi? Ça c'est pas une phrase verbale. Verbale. Donc un mot tada un khabar. مبتدا ابي وامي ابي وامي تمام الخبر يثون يثون في تلك الغرفه الغرفه في تلك الغرفه الكبيره كل هذه ensuite spécifie مبتدا وخبر قول ابي وامي مبتدا في الغرفه الكبيره خبر في تلك الغرفه الكبيره خبر في حرف جر تلك تلك اسم إشارة تمام الغرفة الكبيرة هذا كله هذا خبر لا استغفر غرفتي الكبيرة استغفر وجهي نحت كمان تنحت نحت كمان زيادة نحت نحت فرنسي أنا عرب تزيد نحت بقى زيادة فرنسي tu doutes, tu fais ce que tu fais. C'est la main Ali là qui se Voilà. Voilà quoi? Tu penses avoir fini? Fi, harf d'ar. Tilka? Tilka, ism ishara. Là, ism majro. Si un harf d'ar, ism majro. Ça, c'est sa nature. On veut sa fonction. Ah, sa fonction. Nous, quand on fait les arabes, on ne demande pas la nature. Sa fonction. T'as? اسم مجرور اسم مجرور حرف جر اسم مجرور بعده كم المبتدا والخبر كم الفعل والفاعل سبع صنف ايوا سي جامي حرف جر celui qui vient après اسم مجرور لابد اسم مجرور c'est celui qui a subi l'action du jar parce que le حرف جر il est مبني Mabni. Bouge pas. C'est pour ça qu'on dit tilka. Sous-entendu. Non, pas sous-entendu, il est mabni. Ah non, là, sous-entendu, c'est quand c'est taqdir. Il est mabni. Tu vois ? Est-ce qu'il y a un mudafidé ? Ah, doit savoir. C'est pas nominal. Je crois. Tu crois ? Tu es sûr ? Jamais croire. T'es sûr ? Il n'a pas d'ordre d'un ism. C'était sûr, tu l'as fait ? Qu'est-ce que tu as dit ? Mais il m'a dit, je crois. J'ai dit, faut être sûr. Il croit que quoi ? Il croit qu'il y a un mudaf on a fait la kullah. C'est obligé ça. Oui. Bah, hein? Tilka, il veut un ghurfa tilka kabira, c'est quoi? Ah, non, juste ça, ghurfa tilka kabira. Elle fera la phrase là. Abi wa ummi fi tilka ghurfa tilka kabira. Il bloque sur ghurfa tilka kabira, c'est ça? Un petit peu. Kabira, c'est quoi déjà? Kabira, c'est nar. De quoi? Nar de. La pièce. Al-Ghurfa. Tam. Bakiyash. Al-Ghurfa al-Kabira avec Tilka. Ça, vous allez voir plus tard. C'est Arad Fabayan. C'est un autre truc. Ah, t'as. C'est quoi, Manu? C'est pas Na'at wa Manu? Non. Abi wa Ummi. J'aime mon père et ma mère. Uhibbu Akhi wa Ukhti. Vas-y. Ana. مبتدا خبر فعل او فاعل انا احب ابي وامي احب سامع لكن انا سامع ها انا سامع نو سامع سامع quoi خنو دونك c'est quoi la jumla fi'liya c'est qu'il y a un verbe dans la phrase ah vous êtes tous d'accord non c'est-à-dire c'est quoi la phrase commence par un verbe Phrase nominale, c'est celle qui commence par un... Phrase verbale, c'est celle qui commence par un verbe. Même si la phrase, c'est une phrase nominale, hein, à partir du moment où le nom, la phrase elle commence par un nom. Même si jamais tu trouves 10 fi'l après, tu trouves 10 verbes après dans cette phrase-là, ça ne fera pas cette phrase-là, elle n'est qu'elle est verbe. Parce qu'elle n'a pas commencé par un verbe. Donc, huna, ana, uhibbu, c'est quoi ? Phrase ? Nominal. Nominal, pourquoi ? Parce que le verbe n'est pas au début. Tu commences par un damir. Parce qu'on va commencer un damir. Un damir, c'est parmi les asma. Donc, ana, uhibbu, phrase verbale. Donc, mubtada wa khabar. Ana, uhibbu, phrase nominale. Donc, mubtada wa khabar. Mais tu viens de dire verbal là. Nominal, afwan. Ana. Ana, c'est quoi ? Ana. Atoub, atoub. Je reviens. Ana. Ana. Mubtada. Tamam. Comprends la phrase. Si tu comprends la phrase, tu vas voir les arabes. Si tu comprends la phrase, tu vas voir directement. Le sujet, c'est que moi j'aime. Hein? Mon père et ma mère. Donc c'est quoi? Le khabar? Le khabar, c'est mon père et ma mère. Ton père et ta mère. Yes. Ana. Donc, Ana, Abi ou Omi? Uhibbu, Abi ou Omi. Ça, c'est le khabar. C'est quoi l'information? C'est que tu aimes ton père et ta mère. T'as dit Ana. Après, t'as dit le khabar, Abi ou Omi? Ana mubtada uhibbu abi wa akhi wa ash wa ummi, c'est le khabar. C'est quoi l'information? C'est que tu aimes ton père et ta mère. C'est l'information. Donc ana ça fait mubtada wa uhibbu akhi wa akhti, c'est la même chose. T'as pas fini arabe? Comment? Ah n'am, après n'am uhibbu, chauve, c'est vrai que c'est pas fini. Je voyais. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana mubtada uhibbu akhi abi wa ummi khabar. Uhibbu. Il a dit c'est un fi'l, ça. La bud min fa'il. Tu peux pas me parler du maf'oul? Tu peux pas sauter aller au maf'oul directement. Hein? Ana fa'il. La, pas possible. Parce que le c'est quoi? C'est fi'l summa fa'il. C'est pas fa'il ensuite fi'l, c'est pas possible. C'est pas le fa'il, il vient avant le fi'il. Attends, ah ouais, le fa'il, c'est celui qui subit l'action. C'est celui qui fait l'action. Fa'il. C'est celui qui subit l'action. C'est celui qui fait l'action. Fa'il. Le fa'il, celui qui fait l'action. Tu vois ? Bah, c'est Ana qui aime. C'est pas possible. Le fa'il, il peut pas être avant le fi'il. Impossible. Le fa'il taqdiri. Il est sous-entendu. Inch'Allah, on va le voir ça. C'est quoi ? Muqaddar. Muqaddar. Hein ? Fa'il, muqaddar. Le fa'il muqaddar, le maf'oul bihi, abi wa ummi. Donc là, on va voir, inchallah, un peu de la conjugaison. Là, uhibbu. On a pu voir la conjugaison du fi'l al-madi. Là, on va voir la conjugaison du fi'l quoi? Du fi'l al-mudari'. Il y a qui nous cinq? Al fi'l al-mudari'. Et on ne fait pas le pluriel du madi. Ça va venir après la semaine. Le fi'l al-mudari', comme vous allez voir, Inch'Allah, c'est pas le présent. Certains pensent que lorsque tu dis fi'l al-mudari', c'est le présent. T'as même fi'l le ma dalla ma yudlu mudari'. Le fi'l al-mudari', quand tu dis fi'l al-mudari', ça comporte quoi? T'as même deux choses. Al hal, alors le présent, al mustaqbal. Al hal, c'est le présent. Al mustaqbal, c'est le futur. Donc fais attention par rapport à ça. Les personnes croient faire le mudari, ça veut dire ces deux choses, ça veut dire le présent. Là, t'as même ça peut être ça et ça. Ah, ça peut être futur et truc. Ouais. C'est à dire là, le faire le mudari, par exemple, quand tu dis uhibbu, est-ce que tu peux dire yani c'est pour le présent ou bien pour le futur? Tu peux pas répondre. À part si jamais il y a un indice qui prouve que c'est pour le présent, ou bien pour le futur. Maintenant, je dis, yani, uhibbuhu al-an. Je l'aime à présent. C'est quoi? Présent ou futur? Donc c'est présent. Tamam? Yani, saufa uhibbu. Maintenant, tu dis, je vais l'aimer. Donc là, c'est quoi? Tamam, al-hal, si tu veux la définition, c'est quoi? C'est ma dalla. Ala hadathin. Fi. زمان التكلم المستقبل سامي مشوز ما دل على حدث في زمان هو في بعد زمان التكلم تمام دونك سي كوا الحال سي لا شوز كي انديك ان اكسيون كي سورفيان او مومون او تو بارل سا لو بريزون او مومون او تو بارل لاكسيون كي سور كي سورفيان او مومون او تو بارل مثلا انا اضربه الان سي كوا لاكسيون سي الضرب لو فيت فرابي كونت اسكو لا ايتي فات او مومون او تو بارل ضربته الان داش تمام او يعني انا ضربه الان والمستقبل ما دل على la même chose hadathin ba'da zaman yatakallam yani qui va venir yani après c'est pas maintenant au moment où tu parles c'est ni avant que tu as parlé tamam lakin ba'da tamam mudari' yani yashmal hada wa hada comme on a dit tu peux pas différencier le hal du mustaqbal que par avec une qarina avec un indice sinon les deux yani tu peux pas juger ça c'est hal ça c'est mustaqbal uhibbu tu peux dire c'est mustahal ou mustaqbal tu peux pas tamam à part cette qarina. Je me relève parce qu'on va faire. Donc nous on va voir la conjugaison avec quoi? Juste le singulier, c'est-à-dire ana, anta wa anti, huwa wa hiya. On prend le verbe qui est le même verbe. Habba, صح. En plus, c'est pas choisi le plus facile des le verbe. D'après le verbe. Il doit recommencer. Non non, il a pris cela mazil. Il a pris un de commencer par les par مثلا ضرب il est parti par le verbe yani af'ala on va voir على كل حال il est venu avec le verbe quoi ahabba dans le texte tamam ahabba c'est le fait d'aimer là c'est l'infinitif là c'est pas le madhi ni l'infinitif ahabba c'est le fait d'aimer tamam yuhibbu lorsque tu veux dire je tamam jam tu vas dire uhibbu pour dire tu aimes tu diras tu aimes anta pour dire tu aimes en parlant enfin le discours est porté à une femme tu diras tu aimes tu aimes tu aimes anti تمام pour dire il aime يحب يحب هو pour dire elle تحب لكن en vérité donc je prends un autre verbe que commencer par les t'as dit quoi تحب à la fin ouais tout C'est-à-dire, c'est comme hiya. Avec anta et anta wa hiya, c'est la même chose. Donc regardez, faites pas attention. Pour anta wa hiya, c'est la même chose. Pour anta wa hiya. Uhibbu ay ana. Tuhibbu ay anta. Tuhibbina ay anti. Yuhibbu huwa. Huwa. Tuhibbu hiya. Donc là, c'est la même chose. Ouais. Tuhibbu, tuhibbu. Tu parles à une femme, elle, comme maintenant Zainab, tu parles à Zainab, ou plutôt tu peux parler de Zainab, tu dis que tu aimes le Coran, tu aimes le tu parles d'une femme. Ça, apprenez-le comme ça, c'est min bab al-fa'ila, tamam? Parce que normalement, tu ne commences pas par ce verbe-là. Tu ne commences pas par af'ala, tu commences par fa'ala. Comme on a pu le voir avec quoi? Le madhi. On n'a pas commencé par adhaba ou akhraja. On a commencé par quoi? Dhahaba. Thulasi. Soulati, c'est les verbes qui ont trois lettres. Là, c'est un soulati mazid. Mazid. Mazid, c'est-à-dire qu'il a une lettre en plus. Parce que la base du verbe, c'est quoi? Habba. Tam habba. Shedda, il y a deux lettres. Ha et deux B. Deux bas, ça fait trois. Là, je dois rajouter une autre. Il y a une autre. Lorsqu'il y a, comment s'appelle le verbe, il a quatre lettres, là, il y a une manière de conjuguer. Tam, qui est différente que si jamais il aurait été quoi? À trois lettres. Mathalan, on va prendre daraba. Tamam. Qara'a. Tu veux dire moi je lis, tu diras aqra. Tamam, chouf. Fatha, et là il y a quoi? Il y a une damma. T'as pas dit ukri'u. Le fait que tu dis ukri'u, c'est que tu as fait lire à quelqu'un. Le fait que tu dis aqra'u, c'est que toi tu as lu. Aqra. Tamam, aqra'u, le Qur'an. Ukri'u, tu as fait lire à quelqu'un. On va le voir pourquoi. Tamam, il y a une différence. Tamam. Lorsque le verbe il a trois lettres, ou le verbe il a quatre lettres, au niveau de la conjugaison. أقرأ يضرب أضرب أضرب يضرب أو أضرب تضرب تضرب تضربين تضرب ويضرب أنت تقرأ لا. Ça prend un jeu juste même bab faïd avec regardez bien dans uhibbu le fa'il est sous-entendu ana lorsque tu dis uhibbu t'as pas besoin de ramener ana مثلا uhibbu fulana tu dis pas uhibbu ana fulana هذا وجوبا tu ne dois pas le sortir le ana il est sous-entendu il sort pas hein? tu le fais comment ça s'appelle tu me vois d'apparence uhibbu c'est quoi le sujet ana Est-ce qu'il est prononcé ? Non, il n'est pas prononcé. Ana, et tu dis Uhibbu. Fulana. Sous-entendu Ana. Kazalika ? Tuhibbu. Tuhibbu. Pareil, Kazalika ? Il est sous-entendu. Tuhibbu Anta. Tuhibbina. Il n'est pas sous-entendu. Le fa'il là, c'est le ya. Tuhibbina. Le ya là, qui est entre le ba et le. Non. أحب أي أنا صح؟ تقدير مقدر تجي تجي با أنا تجي با أحب أنا فلانة لا أحب فلانة تمام؟ تجي با لك كان تجي با لك كان تحب فلانة تجي با تحب أنت فلانة صحيح تحب لكم خدة تحب فلانة ها؟ لا لا يسون تنجي أنت تحبين أي تحبين مثلا تجي با لك تحبين فلانة Tu dis, tu aimes gagner un tel, t'as-t'en? Le fa'il ici, il n'est pas sous-entendu, il est évoqué, c'est le ya. Vous allez voir, Inch'Allah, dans le hal al-mustaqbal, lorsque c'est anti, il est présent, le fa'il, et c'est le ya. Yuhibbu, kazalika, yuhibbu fulana. Kazalika, il est sous-entendu, huwa. Wa kazalika, tuhibbu, hiya, il est sous-entendu, tuhibbu fulana. T'as-t'en? Vas-y, Inch'Allah, on va terminer sur le. Elle était courte la leçon, ça? Elle était quoi? Non, la leçon était courte. T'as même? Vas-y, on finit, Inch'Allah? Bah, faites l'exercice numéro 1 et 2. Il dit Iqra wa ktub. Donc lisez et écrivez. Le deuxième, c'est Iqra. Ah. Donc le premier, Iqra wa ktub. Le but de la leçon, là, si vous regardez bien, man fi haz al bayt. En fait, comme on a pu le voir, t'as même? Lorsqu'une chose allait évoquer. Tamam, tu peux ramener un pronom yani sans pour autant réévoquer ce nom-là. Man fi hadha al-bayt fihi fulan wa fulan. Tamam? Tu n'as pas besoin de redire fi hadha al-bayt kada kada. Tamam? Donc ça c'est le but de la leçon. Tamam? Tamam? Man fi hadhihi siyara kaza kada ila akhiri. Après la fin, iqra, il dit de lire. Tamam? Uhibbu abi wa ummi wa kada wa kada wa kada. Tamam? Donc lisez, tamam? مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابي